crois que c'est par sa manière de mourir qu'un homme prouve qu'il a du courage. Et les frontières, autant mentales que c'est l'enfer, c'est l'enchère. Une sale enchère qui paye le prix si c'est pas nos frères, nos sœurs d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique. Dieu bénisse ceux qui foutent la panique. Tu les tous, police, minier, c'est corrompu. Vos injustices nous auront plu. Tous vos traités finissent plus. C'est l'apocalypse à chaque coin de rue. J'ai pas de remords si on est cru. Ses reines, ses rois et tous ses hommes de bien. Ma peine, c'est de voir que je serai plus là demain. Tu les tous, et tu vas reconnaître les siens. Tu les tous, et tu reconnaîtras les siens. Libérateur d'esprit d'image, je m'exprime sur instrumental. Produit fini, monumental. Je pratique l'adresse verbale. J'arrive dans ta face comme un arsenal. Blackstorm, pire qu'un animal. J'ai la force comme un Jedi. Je kill les vampires comme un Jedi. Srap bien du cœur et des entrailles. On entaille comme Hannibal. Watch ton back, ça va faire mal. Y'a plus de morale que des âmes sales. On veut la mort de ceux qui la causent comme Faf. Le bien des miens, c'est ma cause. La seule arme que j'ai dans ce monde, c'est ma prose. Lève ton cul, c'est fini la pause. Lève ton cul, c'est fini la pause. Tu les douces.